Leçon 5. Page 82. Activités 2 et 3. Piste 73. Tu es libre ce soir ? Non. Je vais au club des enfants parisiens. Il y a des activités extrascolaires très variées. Musique. Sport. Danse. Alors, quand est-ce que tu es libre demain dimanche ? De 10h à 11h. Oui. D'accord. Rendez-vous à 10h à l'école. À demain.